sans toi, je ne serai rien, je le sais. J'ai cherché des excuses, tu vois, mais ça ne mène à rien. C'est vrai que ton parfum m'enivre et rien ne m'en délivre. Je te déteste et te désire tellement. Tu détruis ma vie. Je veux.